Cet enfant est le plus jeune milliardaire au monde. Lui, c'est Momfa Junior, un jeune enfant de 9 ans qui est plus riche que nous tous réunis. Il n'hésite pas à montrer son argent sur ses réseaux sociaux, notamment avec des croisières de luxe, des voyages en jet privé, et j'en passe. À l'âge de 6 ans seulement, il a reçu, de la part de son père, un manoir comme cadeau d'anniversaire. Il possède plusieurs voitures de luxe, mais frérot, ça va lui servir à quoi ? Abonne-toi pour être aussi riche que lui.